J'ai dans le cœur des larmes qui pleurent. Je veux dire que mes larmes sont pleines de larmes. J'ai le vide vide qui me désarme. Il me regarde, tes cheveux de jais, mon si bel oiseau, j'ai tes caresses, ta bouche sur ma peau, parce que je t'aime encore. J'ai pas compris, pourtant je dois comprendre. Tu es parti, tu en avais le droit. Plus je t'oublie, et plus je pense à toi. Parce que je t'aime encore. Je fais le pitre, ça fait rire les gosses. Le clown est triste, il ne le montre pas. Ton amitié jamais ne me consolera, parce que je t'aime encore. J'ai la douleur de l'enfant sous les bombes. Par désespoir, ne rien me souvenir. Et par tendresse, ne plus faire souffrir. Parce que j'aimerais encore. J'ai dans le cœur des larmes qui pleurent. Je veux dire que mes larmes sont pleines de larmes. J'ai le vide vide. Désarmes.